إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن الله تعالى خلق الثقلين لعبادته كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلقنا لنتقرب إليه بالعقائد والأعمال والأقوال التي يرضاها ربنا سبحانه وتعالى وشرعها لنا في كتابه وسنها لنا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمرنا أن نثبت على عبادته وإخلاص الدين له إلى يوم أن نلقاه فليس لعبادة العبد لربه حدا تتوقف عنده قبل الموت كما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت وإن من الناس من ينشط في العبادة وملازمة الطاعة ومجانبة المعصية مدة من عمره إما بعد التوبة وإما بعد رمضان وإما في مواسم الحج وإما أثناء مرضه وكربات تمر به فإذا انتهت هذه مواسم الطاعات أو تفرجت الكربات رجع القهقر وراءه واتبع هواه وأصرف عن نفسه وفرط في جنب الله كثير كان من أهل الاستقامة ثم أصبح وقد تغير حاله كثير من هؤلاء كان يتورع عن المتشابهات وأصبح لا يخاف المحرمات كثير منهم كان يبتعد عن دقيق الأشياء فأصبح يرتكب كبيرها بلا خوف ولا مبالاة انظر إلى حالك في أول أمرك وفي أول عهدك وكيف أصبحت في آخر أمرك عباد الله إن هذه السيئات وتراكمها على العبد يعرض حسناته لخطر المحق والزوال وذلك أن السيئات إذا زادت على الحسنات رجح ميزان السيئات وخف ميزان الحسنات ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وقد أخبر سبحانه وتعالى أن معصية واحدة قد تبطل عمل العبد من حيث لا يشعر كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد قال الله سبحانه وتعالى محذرا من الإساءة بعد الإحسان ومن الفساد بعد الصلاح: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، أي لا تكونوا كتلك التي تتعب في غزلها فإذا انتهت ما عملت قطعت ما نسجت وأفسدت ما غزلت، فهذا حال السفهاء الذي لا عقل لهم ولا لب. وقال سبحانه وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنات من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابه إعصار فيه نار فاحترقت؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وهذا مثل ضربه الله لمن عمل صالحا ثم أساء بعد ذلك، فإن عملك الصالح بذور ينبت الله لك بها جنة، فيها عملك الصالح فيها من كل الثمرات وتجري من تحتها الأنهار، فحافظ على بستانك بالمدام ومتي على العمل الصالح والطاعة. أما إذا أفسدت عملك بعد ذلك فإنك في حقيقة الأمر ترسل عليها أعاصير محرقة تهلك ثمارها وتجفي أنهارها وتجعلها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس، فتجي يوم القيامة فلا تجد شيئا من عملك الصالح وأنت أحوج ما تكون إليه، فما أعظم الحسرات يوم ذاك وما أعظم الندام والغبن والعياذ بالله. عباد الله، لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه قال: إنما الأعمال بخواتيمها، فمن كان آخر عمله عمل أهل الجنة كان من أهلها، ومن كان آخر عمله عمل أهل النار كان متوعدا أن يكون من أهلها. ولأهمية الخاتمة يسأل الله الملائكة الذين يتعاقبون فينا في العصر والفجر، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ ولم يقول: على أي شيء وجدتم عبادي؟ لأن العبرة إنما هي بما تكون عليه نهاية عمل العبد لا بما كانت مبادئه. ولأهمية الخاتمة كان من علامات أهل السنة الثبات على الحق والسنة إلى الممات، ومن علامات أهل البدع والانحراف هو التلون في دين الله وتغيير الجلود حسب مصلحته. لذلك كان حذيفة رضي الله عنه يقول: إن الضلال حق الضلال، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. وإنك لتأسى أن تجد هذا التحول والتلون ممن ينسب إلى الدين والدعوة، لكن ذلك دليل واضح على عدم التربية السنية الصحيحة، بل تربوا على إرضاء الحزب والناس وتقديم طاعتهم على طاعة الله ورسوله. فاجتهدوا عباد الله في طاعة الله واجتنبوا معصيته واحرصوا على الاستقامة والثبات وسالوا ربكم الإعانة، فإن العبد لم يكن له عون من الله وكل إلى شيطانه وهواه وإلى نفسه الأمارة بالسوء. عباد الله، فإن الثبات على الاستقامة والسلامة من الانحراف بعد الطاعة له أسباب كثير ذكرت في كتاب الله وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأسباب بعد توفيق الله عز وجل منها دعاء الله بالثبات بالصدق والإلحاح في ذلك، فقد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وعلمنا الله في كتابه أن نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومنها كثرة قراءة القرآن وترتيله وفهمه والعمل به، كما قال عز وجل: كذلك ليثبت به فؤادك، أي القرآن، ورتلناه ترتيلا. ومنها مجاهدة النفس على العمل بالعلم، فإنك إذا عملت بما علمت ثبتك الله وزادك من الهدى والخير والاستقامة. يقول عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومنها ملازمة أهل العلم والصلاح والطاعة من أهل السنة، فإن المرأة على دين خليله، كما قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعدو عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومنها الرجوع إلى كبير العلماء عند حصول الفتن والشبهات لردها وبيان حكمها، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومنها كثرة تذاكر الآخرة والوقوف بين يدي الله والميزان والحساب والصحف والجنة والنار والصراط، وأنه لا ينفع في ذلك اليوم إلا أن يأتي العبد إلى ربه بقلب سليم من الشرك وعمل نافع وعمل صالح وعلم نافع. ولذا بعد أن علمنا الله أن ندعوه ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، قال الله عز وجل: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. لأن تذكر الميعاد تذكرا حقيقيا يورث الخشية والإنابة والتوبة. اللهم ثبتنا على السنة، اللهم ثبتنا على طاعتك واجتناب معصيتك إلى يوم نلقاك. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أما بعد. serviteur d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Craignez Allah et Allah vous éduquera. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et rappelez-vous le jour où vous reviendrez tous devant Allah Azza wa Jal. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et rappelez-vous qu'Allah Azza wa Jal nous observe constamment. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et ne mourrez qu'en étant musulman soumis à Allah Azza wa Jal. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et la meilleure des guidées, des voies, est la guidée de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que les plus mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion d'Allah afin de se rapprocher d'Allah par cela. Toutes ces choses inventées dans la religion d'Allah afin de se rapprocher d'Allah par ses actes inventés, tout cela sont des innovations religieuses. Et sachez que toute innovation religieuse est un égarement et que tout égarement mène au feu de l'enfer. Serviteur d'Allah, Allah Azza wa Jal a créé les deux pesants, c'est-à-dire les djinns et les humains, afin que les djinns et les humains, dans le but que les djinns et les humains adorent Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer, et en reniant tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Dans la traduction du sens du verset, Allah Azza wa Jalla dit « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Il nous a créés afin que l'on se rapproche de lui par la croyance saine, les œuvres et les paroles dont Allah Azza wa Jalla a légiféré dans son livre et dans la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de rester ferme sur l'adoration qu'on lui voue exclusivement. Et ceci jusqu'à la mort, jusqu'à notre mort. Et cette adoration que l'on voue exclusivement à Allah Azza wa Jalla n'est pas limitée à un temps avant la mort. Mais nous sommes dans le devoir et dans l'obligation d'adorer Allah Azza wa Jalla jusqu'à notre mort. Tel qu'Allah Azza wa Jalla le dit dans la traduction du sens du verset, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. La certitude, c'est-à-dire la mort. Et non pas comme ces égarés de soufis qui prétendent que la certitude, c'est le fait qu'ils ont atteint une certitude, donc ils arrêtent d'adorer Allah, ils arrêtent de prier, etc. Non. La certitude, comme Ibn Abbas radiallahu anhuma a expliqué, c'est la mort. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Jusqu'à notre mort. Nous ne sommes pas des musulmans à temps partiel. Nous sommes des musulmans qui adorent Allah Azza wa Jal comme Allah Azza wa Jal l'a légiféré. Et ceci jusqu'à notre mort. Cependant, il y a des musulmans et des musulmanes qui sont tout d'abord motivés dans les actes d'adoration qu'ils ou elles voient Allah Azza wa Jal. Ils sont motivés dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, ainsi que dans le fait qu'ils s'écartent et fuient les désobéissances à Allah Azza wa Jal. Tout cela pendant une période de leur vie, soit après une repentance, soit pendant et après le mois de Ramadan, soit pendant la période du Hajj, soit durant la maladie ou lorsqu'il ou elle rencontre des difficultés. Puis lorsque tous ces maux, tous ces problèmes, toutes ces difficultés sont terminées et que les saisons d'obéissance sont passées, les voilà qui rejettent derrière eux sur ce quoi ils étaient. Ils rejettent derrière eux la droiture, le suivi de la voie droite, ils rejettent derrière eux tout cela afin de suivre leur passion et l'égarement des gens de la masse. Beaucoup d'entre eux faisaient partie des gens de la droiture, puis son état changea. Il était de ceux qui s'écartaient de tout équivoque, qui s'écartaient de tout doute. Mais les voilà aujourd'hui qui ne craignent même plus les interdits. Ils étaient de ceux qui s'écartaient des choses interdites les plus petites. Mais les voilà aujourd'hui en train de commettre des grands interdits, sans se soucier des conséquences, ni peur, ni crainte du châtiment. Tu les voyais fréquenter souvent la mosquée, mais aujourd'hui tu ne les vois que très rarement, voire on ne les voit plus. Remets-toi donc en question. Et observe ton état au départ dans ta relation avec Allah Azza wa Jal et ce que tu es devenu actuellement. Serviteur d'Allah, c'est péché et cet éloignement d'Allah Azza wa Jal que le serviteur commet met en péril les bonnes œuvres qu'il commet ou qu'il a fait. Le danger de voir ses bonnes œuvres consumées par ses péchés et son éloignement d'Allah Azza wa Jal. Car si les péchés deviennent plus nombreux dans la balance, les bonnes œuvres se voient réduites en termes de poids. Et Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, « Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. » Et Allah Azza wa Jal nous a informé qu'une seule mauvaise œuvre peut rendre invalides les œuvres du serviteur, sans que celui-ci ne s'en rende compte. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, « Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. » Et Allah Azza wa Jal met en garde contre le fait de faire des mauvaises œuvres après avoir fait de bonnes œuvres. Telle la parole d'Allah Azza wa Jal dans la traduction du sens du verset. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement fixée. Donc, ne soyez pas comme celle qui se fatigue à œuvrer, à faire son travail, à les mettre brin par brin, à les tisser. Et une fois qu'elle a terminé, elle se met à les déchirer. Voilà l'exemple qui est donné. Tu œuvres, tu fais des bonnes œuvres, tu fais des bonnes actions. Un moment de ta vie, puis après tu retournes ta veste. Pour te mettre à suivre les gens de la masse. Mais tout le monde fait comme ça. Tout le monde fait comme ça. Alors tu veux dire que tout le monde va en enfer ? On a toujours fait comme ça. Tout le monde fait comme ça. Quelle est cette nouvelle religion avec laquelle tu es venu ? Et l'individu qui n'est pas ferme dans sa religion et qui n'a pas qui n'étudie pas la religion d'Allah Azza wa Jal, trouve une opportunité de suivre ses passions. Il faisait des bonnes œuvres, telle cette femme qui tissait, comme par exemple ceux qui tricotent. Ils font un pull, ils tricotent. Elle a mis du temps à tricoter. Tu as mis du temps à œuvrer, à faire des bonnes œuvres. Puis, il se met à désobéir à Allah. Telle que celle, une fois qu'elle a fait son pull, elle déchire. Est-ce raisonnable ? Ne faites pas ça comme celle qui défaisait brin par brin, hein, ce qu'elle a œuvré. Donc, ne soyez pas comme celle qui s'est fatiguée d'avoir solidement filé sa quenouille, puis à la défaire. Ne sois pas de celui qui fait des efforts à faire de bonnes œuvres au départ, puis se met à suivre ses passions, commettre les péchés corrompant ce qu'il faisait au départ. Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, « L'un de vous aimerait-il un jardin de dattiers et de vignes sous lequel coulent les ruisseaux, et qui lui donne toute espèce de fruits, que la vieillesse le rattrape, tandis que ses enfants sont encore petits ?» et qu'un tourbillon contenant du feu s'abatte sur son jardin et le brûle. Ainsi, Allah vous explique les signes afin que vous méditiez. Et ceci, cet exemple par lequel Allah Azza wa Jal montre que celui qui a fait des bonnes œuvres puis se mit à faire de mauvaises, à s'écarter de la droiture. Tes bonnes œuvres sont similaires à des graines. Et par cela, Allah Azza wa Jal t'en fait un jardin dans lequel il y a toutes sortes de fruits et sous lequel coulent les ruisseaux. Alors à toi de conserver ce jardin en faisant constamment ces bonnes œuvres-là, en obéissant à Allah Azza wa Jal, en suivant la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en s'écartant de ses interdits. Mais si tu corromps tes bonnes œuvres, tu t'es fatigué en les faisant. Tu as fait des bonnes œuvres. Tu t'es tenu debout la nuit pour prier. Tu as œuvré. Tu t'es forcé à te réveiller. Et ensuite, tu commets des péchés. Voyez cette image. Tu ne fais qu'envoyer sur toutes ces graines-là, ces bonnes œuvres-là, qu'Allah Azzawajal t'en a fait un jardin, en désobéissant à Allah Azzawajal et en commettant ses péchés, tu as envoyé un tourbillon de feu qui est en train de brûler tout ce que tu as fait. Te retrouvant ainsi, le jour de la résurrection, avec peu ou pas de bonnes œuvres. Alors que c'est le jour où tu en as le plus besoin. Parce que tu sais que même ton fils, ta propre chair, ne pourra même pas t'être bénéfique le jour de la résurrection. Même ton ami, celui qui te dit « appelle-moi à n'importe quelle heure, je viens, etc. »« T'es mon pote, etc. etc. Hein » Le jour de la résurrection, il ne peut être bénéfique en rien. Méditez sur la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à sa fille Fatima, à sa fille Fatima. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à sa fille Fatima, qui est l'une des meilleures femmes. Il lui dit, « Ya Fatima, ya'mili, inni la ugni anki min Allahi shay'a. » Ô Fatima, œuvre, car je ne peux être bénéfique en rien auprès d'Allah. Serviteur d'Allah, il a été rapporté authentiquement dans Sahih al-Bukhari que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les œuvres ne sont considérées que par leur état final. » Les œuvres ne sont considérées que par leur état final. Donc quiconque voit sa vie se terminer sur une œuvre parmi celles des gens du paradis, il en fera partie. Et quiconque voit sa vie se terminer sur une œuvre des gens de l'enfer, celui-ci est sous la menace d'en faire partie. Ce qui montre notamment l'importance de l'état final des œuvres. Cela est montré dans le hadith authentique dans lequel Allah Azza wa Jal demande à ses anges qui descendent parmi nous durant la salat du Asr et du Fajr. Allah Azza wa Jal leur dit « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» La finalité des œuvres. Dans quel état avez-vous laissé? Et il n'a pas dit dans quel état avez-vous trouvé mes serviteurs. Mais dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs? Et ça ouvre les œuvres du serviteur d'Allah. En effet, dans ce hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les œuvres ne sont considérées que par leur état final, cela fait également notre référence à un hadith qui est authentique également, qui se rejoignent dans cela, où lors d'un combat légiféré, il y avait un homme qui combattait avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam contre les mushrikines. Et les sahaba le voyaient qu'il combattait avec bravoure, avec force. Et il disait, oh envoyé d'Allah, celui-ci est vraiment en train de combattre avec bravoure et avec force. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, celui-ci est en enfer. Puis, un sahabi s'est mis à suivre cet homme qui combattait avec bravoure. Et il a trouvé qu'il a été blessé et il s'est suicidé. Les œuvres ne sont considérées que par leur état final. Parmi les signes des gens de la sunna et du consensus, c'est le fait de rester ferme sur la vérité et la sunna jusqu'à la mort, malgré les épreuves, malgré les tempêtes, malgré les problèmes. L'individu sait, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, « Jannati fi qalbi, le paradis, mon paradis est dans mon cœur. » Tu sais que ce bas monde est éphémère, tu ne vas pas y rester. Tu ne vas pas y demeurer éternellement. Tu es de passage. Tu n'y restes pas. Et malgré les épreuves, malgré les problèmes, malgré les insultes, malgré les dénigrements, le musulman qui est sur la sunna et sur la voie des gens de la sunna et du consensus reste ferme dans sa religion jusqu'à la mort. Et parmi les gens, tandis que les signes des gens de la bid'a et de l'innovation religieuse et ceux qui invitent les gens à suivre leur passion et qui invitent les gens à l'égarement, leur signe, c'est d'être instable dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Il change de couleur, change de peau en fonction de ses intérêts, en fonction des gens qu'il rencontre, en fonction du lieu où est-ce qu'il est, des caméléons. C'est pour cela que Hudhayfa, radiallahu anhu, disait « L'égarement évident est de se mettre à accepter et à de faire ce que tu détestais et reniais. » Ou de détester et de renier ce que tu connaissais, comme étant bien. Et prends garde du changement de couleur et de l'instabilité dans la religion d'Allah, car la religion d'Allah n'est qu'une. Ce qui est dommage, c'est de retrouver cet effet caméléon de changement de couleur parmi ceux qui s'affilient à l'islam et à la prédication, à la da'wah. Mais ceci est une preuve claire qu'ils n'ont pas été éduqués sur la sunna authentique. Mais ils ont été éduqués à plaire aux gens, à leur groupe, à leur secte, en devançant leur obéissance sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous en préserve. Serviteurs d'Allah, on se doit tous de faire des efforts à rester ferme sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et à s'écarter de sa désobéissance en invoquant Allah Azza wa Jal très souvent avec sincérité. Qu'il nous aide à nous maintenir sur la droiture et la sunna. Ça, c'est parmi les médicaments, les traitements que l'on peut avoir afin de remédier à ce problème-là. On sent une diminution de foi. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ma anzalallahu da' illa anzalalahu shifa, alimahu man alima, wa jahilahu man jahila. » وَإِذَا أُسِيبَ دَوَاءُ الدَّاءُ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Allah n'a pas fait descendre une maladie, excepté qu'il a fait descendre son traitement. Celui qui le connaît, le connaîtra, sera bénéfique pour lui, tandis que l'ignorant l'ignorera, et ce sera mauvais pour lui. Il passe à côté d'un traitement. Et lorsque le traitement touche la maladie, c'est-à-dire le traitement pour cette maladie-là, ce n'est pas n'importe quel traitement. Le traitement pour cette maladie-là, eh bien, il sera guéri par la permission d'Allah. Donc, comment faire en sorte de rester ferme sur la sunna, de rester ferme sur la vérité, sur la religion d'Allah Azza wa Jal? Eh bien, c'est d'invoquer Allah Azza wa Jal avec sincérité, en s'écartant des interdits. Car vous savez que la foi augmente et diminue. La croyance des gens de la sunna, la foi augmente et diminue, elle n'est pas stable. Elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés. Plus tu commets de péchés, plus tu noircis ton cœur, plus tu t'écartes des gens de la sunna, plus isolé tu seras et pire encore sera les œuvres que tu commettras. Donc, un remède efficace parmi les remèdes efficaces, le fait d'œuvrer, le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal avec sincérité, qui nous aide à nous maintenir sur la droiture et la sunna. Car si le serviteur ne reçoit pas l'aide d'Allah, il est remis à son diable, à son âme, celle qui ordonne le mal. Serviteur d'Allah, il y a énormément de causes afin de rester ferme sur la droiture et d'être préservé de l'égarement qu'après l'obéissance. Cela étant mentionné dans le livre d'Allah, ainsi que dans la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui répétait souvent cette invocation. « Oh Allah, toi qui fais tourner les cœurs, muqallab, qui provient de qalb, parce que le cœur tourne. Oh Allah, toi qui fais tourner les cœurs, fais que mon cœur reste ferme sur ta religion. » Et Allah Azza wa Jal nous enseigne de dire dans son livre, dans la traduction du sens du verset, « Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi certes le grand donateur. » Parmi les causes également de la fermeté sur la droiture, il y a la lecture constante du Coran, sa compréhension, son application, tel qu'Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, nous l'avons révélé, yani le Coran, nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur. Et nous l'avons récité soigneusement. Il y a également le fait d'efforcer son âme à s'éduquer dans la religion, à rechercher la science, légiférer, le savoir authentique et à l'appliquer. Ce n'est pas juste d'étudier ou de lire. Il faut comprendre ce que l'on lit. Et il faut le mettre en application, en efforçant son âme à œuvrer dans cela. Car si tu appliques ce dont tu as appris, Allah Azza wa Jal te raffermira et augmentera ta guidée, ta droiture. Et le bien, telle la parole d'Allah Azza wa Jal dit dans la traduction au sens du verset, s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux et leur foi aurait été plus affermie. S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux et leur foi aurait été plus affermie. Parmi les causes de la droiture, il y a aussi également le fait de prendre pour compagnie les gens qui sont sur la sunna, qui sont sur la droiture, qui invitent les gens au Coran et à la sunna. Car l'individu est sur la religion de son compagnon, telle la parole d'Allah Azza wa Jal. Dans la traduction du sens du verset, fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux, le brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est offensé. Il y a également le fait de retourner aux grands savants de la sunna lorsqu'il y a des équivoques ou lorsqu'il y a des problèmes qui se passent dans le monde. On ne se réunit pas dans un café pour essayer de débattre et soi-disant se prendre pour des savants ou des gens qui vont permettre une chose ou autoriser une chose ou en pensant qu'une chose est bien. Il se passe un problème, que fait-on ? On retourne aux gens des sciences, comme Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, « Demandez donc aux érudits du livre, yani aux gens de science, si vous ne savez pas. » Ce qui aide aussi, Inch'Allah, à raffermer, à rester ferme, à raffermir sur la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait de se rappeler constamment la mort. Lorsque tu lis le Coran, à chaque fois, tu tomberas sur les versets « Kullu nafsin dha'iqatul maut » « Tout âme goûtera la mort » Tu te rappelles, tu ne vas pas rester sur ce bas monde. Tu as beau chercher à plaire aux gens, ou bien, que fais-tu aujourd'hui ? Oh, regarde, j'ai construit cette maison-là, et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Ces gens recherchent la dunya, recherchent ce bas monde, œuvrent pour ce bas monde. Cette dunya, qui veut dire, en arabe, dunya, qui veut dire une chose qui est basse, qui ne vaut rien. Ce bas monde dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé à une jifa, comme une bête morte tuée sur la route, qui n'a pas été sacrifiée selon le rite islamique. À une jifa. La yatasara'u alayha illa kilabuha. Il n'y a que ces chiens qui vont courir après cette jifa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et vous connaissez également ce que Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il le trouva allongé chez lui sur le sol et que les marques du sol étaient sur son flanc. Omar radiallahu anhu lui a dit, ô envoyé d'Allah, l'empereur perse et l'empereur de Rome ont des palaces, ont des châteaux, ont le confort, ont l'or. Et ce sont des kofars. Et toi, tu es l'envoyé d'Allah. Et tu es dans cette condition. Il lui répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ô Omar, cette dunya est pour eux. Cette dunya est pour eux. Ils mécroient en Allah Azza wa Jal. Ils sont arrogants. Ils refusent d'accepter le haqq, la vérité. Allah Azza wa Jal leur donne dans cette dunya. Et le jour de la résurrection, ils n'auront rien. Se rappeler également de la mort, du paradis, de l'enfer, du pont que l'on traversera le jour de la résurrection. Chacun le traversera selon sa foi. Certains très rapides, d'autres plus lents, d'autres en rampant, alors que d'autres, les hypocrites, tomberont directement en enfer. Se rappeler également, enfin, que personne ne peut nous être bénéfique. Comme je le répète souvent, lorsque l'un de nous meurt, les gens vont lâcher 2-3 larmes sur lui, ils vont prier la Genèse, ils vont l'accompagner. Et après, tu es resté seul. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus personne. Où sont tes biens? Où est ta voiture? Où est ta maison? Où sont les gens qui te disaient, vas-y, viens, téléphone-moi, je sais pas quoi. Tu es tout seul, ils t'ont laissé, ils sont sortis du cimetière. Et le jour de la résurrection, même ton fils ne peut même pas t'être bénéfique. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a dit à sa fille Fatima, œuvre, je ne peux être bénéfique en rien auprès d'Allah le jour de la résurrection. Personne ne peut nous être bénéfique. Et rien ne peut nous être bénéfique excepté celui qui viendra avec un cœur saint. Ça veut dire qu'il ne contient aucun type de polythéisme. Il n'invoquait pas quelque chose avec Allah. Il ne jurait pas par autre qu'Allah, comme c'est répandu aujourd'hui dans certains quartiers. Sur la tête de ma mère, de mon frère, le Coran de la Mecque, tout ce qu'on entend. Ils délaissent le fait de jurer sur Allah Azza wa Jal et ils jurent sur autre qu'Allah. Celui qui vient avec un cœur saint, dénué de shirk, de polythéisme. Ce shirk-là, ce polythéisme-là, Allah Azza wa Jal ne le pardonne pas. Que tu commettes le majeur, c'est-à-dire que tu invoques autre qu'Allah, ou que tu sacrifies un animal pour autre qu'Allah, ou tu crains une chose comme tu crains Allah, ou que tu aimes une chose comme tu aimes Allah, ou que tu obéis à quelqu'un qui a rendu une chose haram alors qu'elle était licite et tu lui obéis. Tout ça, c'est du polythéisme majeur qui annule l'islam de l'individu. Allah ne le pardonne pas, mais Allah Azza wa Jal ne pardonne pas également l'ostentation, rien. Tu rentres dans la mosquée, les frères sont assis, tu améliores ta prière en espérant recevoir une bonne parole d'un frère. Pour l'œuvre que tu étais censé faire pour Allah Azza wa Jal, tu l'as fait pour autre qu'Allah. Ou le fait de jurer par autre qu'Allah, ou le fait de dire je place ma confiance en toi, ou le fait de dire si Allah veut, tout cela ce sont des polythéismes mineurs. Allah ne pardonne pas. Donc le cœur saint, c'est celui qui est lavé de tout cela. Qui a fait une bonne œuvre. Une connaissance qui lui est profitable et des œuvres pieuses. Allah Azza wa Jal nous rappelle cela dans son livre. Après qu'il nous a enseigné de l'invoquer pour rester ferme sur sa religion, Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset. Tout d'abord, Allah Azza wa Jal nous enseigne comment faire pour rester ferme en invoquant. Puis, Allah Azza wa Jal nous dit, par la suite, dans la traduction au sens du verset, « Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens un jour, en quoi il n'y a point de doute, Allah vraiment ne manque jamais à sa promesse. » Pour que tu te rappelles la mort, le jour du jugement, que personne ne peut fuir d'Allah. Le fait de se rappeler sérieusement du jour du jugement, cela apporte la crainte aux serviteurs, le poussera, Inch'Allah, à revenir vers Allah Azza wa Jal repentant. Donc craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulman, soumis à Allah Azza wa Jal, et que personne ne peut fuir d'Allah. Rappelez-vous que mardi, Inch'Allah, c'est le jour de Ashura, le 10e jour. Nous sommes dans un mois sacré qui est Muharram, et parmi les bonnes œuvres, parmi ce qui est fortement recommandé de faire pendant ce mois sacré de Muharram, notamment le jeûne. Le jeûne, faire les œuvres pieuses. Mais lorsque tu fais ces œuvres pieuses-là, que tu es en train de mettre en place ce jardin-là, qui sont tes œuvres pieuses, ne tombe pas dans la riba, ni dans la némima. Je vais parler sur un tel en son absence, ou je vais mettre des frères en conflit, qui fait partie des péchés majeurs. Tu fais une bonne œuvre, et ensuite, tu lui lances un torrent de feu. Donc, on se doit de craindre Allah Azza wa Jal. Mardi, c'est Ashura, la sunna, le 10e jour du mois de Muharram. C'est le jour où Allah Azza wa Jal a donné la victoire à Moussa, alayhi salatu wa salam. C'est pour ça que les juifs, les kuffars, eux, jeûnent seulement le 10e de Muharram. Et la sunna, nous en tant que musulmans croyants, on se doit de jeûner le mois de Muharram. Ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé. Car Allah Azza wa Jal, par cela, pardonne les péchés mineurs de l'année précédente et celle en cours. Et la sunna, c'est de jeûner un jour avant. Et celui qui n'a pas pu jeûner un jour avant, par exemple le 9e et 10e jour, par exemple, en ce qui nous concerne là, c'est mardi, Ashura, faites de jeûner lundi et mardi. Celui qui n'a pas pu jeûner le lundi, eh bien qu'il jeûne un jour après, c'est-à-dire mardi, mercredi. Pour se différencier des kuffars. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa barik lana fi ma a'tayt, tabarakta rabbana wa ta'alayt. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين